Lost in Space, comme tous les dimanches, vous accueille à partir de 21h pour une session quasiment exclusivement réservée au punk rock, musique bruyante, bruitiste, bizarre, diverses et variées. Pour connaître les titres, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'émission et c'est parti. She's so afraid, ay, she's not the right, ay, she's so afraid, ay, she's not the right. Alienation is the thing, tell me here who I think. Is my physique holding up, tell me darling I'm still a pup. Ay, she's so afraid, ay, she's not the right, ay, she's so afraid, ay, she's not the right. Never seems to she's so afraid, ay, she's not the rage. Darling, am I looking old? Tell me, dear, I must be told. You know it's a million dollar fear, blind creeping over here. Testing radios and telephones. Testing, testing, testing, testing. What goes wrong? Testing, testing radios and telephones. Testing, testing, testing, testing. What goes wrong? Rire, Exley qui sourit. J'ai rencontré Bob en 53 à l'époque. Il était sergent du bureau du procureur. Il a réussi l'examen du barreau et le jour même, il a pris sa carte chez les Républicains. Aujourd'hui, tous les grands experts viennent nous prédire que nous ne le garderons procureur que pendant 2 ans. Procureur général de l'État en 60, et ensuite quoi? Tu t'arrêteras une fois gouverneur? Rire. Van Meter, j'ai rencontré Bob, il était aux patrouilles et j'étais sergent. Aujourd'hui, c'est Walt et Monsieur Gallaudet. C'est toujours Bob, et tu avais l'habitude de m'appeler fils. C'est ce que je ferai à nouveau, si vous refusez votre soutien à la légalisation des jeux dans la circonscription. Stupide comme Van, jamais le projet de loi ne passerait la législature de l'État. Cartes, machines à sous, bookmakers, limite à certains quartiers précis et un max d'impôts. Les flics ne pouvaient pas sentir ça. Comme quoi Gallaudet ouvrait tout grand les bras au truc pour se gagner des votes. Il changera d'avis, c'est un homme politique. Pas de rire. Je t'ai pas. just me and you. This world is messed up. I just wanna hold you. New frequencies now. I just wanna show you. Into the hemisphere. Cause tonight, let's make one thing clear. Cause tonight let's just make one thing clear. Into the midnight room. Cause tonight it's just me and you. Dr Pillman, votre première découverte sérieuse est sans doute celle de ce qu'on appelle le radiant de Pillman. Je ne le pense pas. Le radiant de Pillman n'est ni la première, ni sérieuse, ni en fait une découverte. Et de plus, pas tellement la mienne. Vous devez plaisanter, docteur. Le radiant de Pillman, c'est une notion connue de tous les écoliers. Cela ne m'étonne pas. C'est précisément par un écolier que le radiant de Pillman a été découvert. Malheureusement, je ne me souviens pas de son nom. Regardez chez Stetson dans son histoire de la visite, il raconte tout en détail. Le radiant a été découvert par un écolier, les coordonnées ont été publiées pour la première fois par un étudiant et, curieusement, c'est mon nom qu'on lui a donné. Sometimes les découvertes ont parfois des destins étranges, ne pourriez-vous pas, Dr. Pillman, expliquer à nos auditeurs ? Écoutez, compatriotes, le radiant Pillman est une chose extrêmement simple. Imaginez que vous ayez fait tourner un grand globe terrestre et que vous soyez mis à tirer dessus à coups de revolver. Les trous sur le globe seront disposés le long d'une certaine courbe douce. Le sens de ce que vous appelez ma première découverte sérieuse réside dans un fait tout simple. Les six zones de la visite sont disposées sur la surface de notre planète comme si quelqu'un avait tiré de la ligne Terre-Deneb six coups de pistolet sur la Terre. Deneb, c'est l'alpha de la constellation du Cygne, le point de la voûte céleste d'où, si l'on peut dire, on a tiré, c'est ça le radiant de Pillman. Je vous remercie, docteur. Cher Armontois, on nous a enfin clairement expliqué ce qu'est le radiant de Pillman. À ce propos, avant-hier, c'était exactement le 13e anniversaire de la visite. Docteur Pillman, ne voudriez-vous pas dire quelques mots à cette occasion à vos compatriotes ? Que veulent-ils savoir au juste ? N'oubliez pas qu'à l'époque, je n'étais pas à Armont. Il est d'autant plus intéressant d'apprendre ce que vous avez pensé quand votre ville natale a été envahie par une super civilisation extraterrestre. À vrai dire, ma première pensée a été qu'il s'agissait d'un canular. Il était difficile d'admettre que quelque chose de semblable pouvait arriver à notre vieille Armont. Gobi, la Terre-Neuve, passe encore, mais Armont. Das steht für Zins und Spaß. Links ein Roten blind, rechts ein schwarzer Stern. Unser Tag ist so wild. Unser Tag ist so wild. Rechts ein Roten blind und links ein schwarzer Stern. Unsere Farben sind so grell, unsere Schreie sind so laut. Links ein roten Blitz, rechts ein schwarzer Stern. Ein neuer böser Tanz, ein neuer böser Tanz, ein neuer böser Tanz. Alle gegen alle, alle gegen alle, alle gegen alle. So schwarz, unsere Stiefel sind so schön, unser Tanz ist so wild, unser Tanz ist voller Macht, links den Blitz und rechts den Stern. Cependant, en fin de compte, vous avez été obligé d'y croire. En fin de compte, oui. Et alors ? Il m'est soudain venu à l'esprit que Armand et les 5 autres zones de la visite, en fait non, je vous demande pardon, à l'époque on n'en connaissait que 4, que toutes elles étaient disposées sur une courbe très douce. J'ai calculé les coordonnées du radiant et je les ai envoyées à Nature. Vous n'étiez donc pas du tout ému par le destin de votre ville natale. Voyez-vous, à l'époque déjà, je croyais à la visite, mais je n'arrivais pas à croire les informations paniquées sur les quartiers en feu, les monstres dévorant exclusivement des vieillards et des enfants, et les combats sanglants entre les visiteurs invulnérables et les unités blindées royales extrêmement vulnérables, mais infailliblement glorieuses. Et vous aviez raison. Je me souviens que nous autres informateurs, nous nous sommes bien mis le doigt dans l'œil à l'époque. Mais revenons à la science. La découverte du radiant de Pillman a été la première, mais certainement pas la dernière, de vos contributions à la science de la visite. La première et la dernière. Mais pendant tout ce temps, vous deviez suivre attentivement le déroulement des recherches internationales dans les zones de la visite. Oui, de temps en temps, je feuillette des rapports. Do you have the time

dans ce cas, quelle est selon vous la découverte la plus importante de ces 13 dernières années? Le fait même de la visite. Et je vous demande pardon? Le fait même de la visite est la découverte la plus importante, non seulement de ces 13 dernières années, mais de toute l'histoire de l'humanité. Il n'est pas tellement important de savoir qui étaient ces visiteurs. Il n'est pas important de savoir d'où ils sont venus, ni leur but, ni pourquoi ils sont restés si peu de temps, ni où ils sont passés après. Ce qui compte, c'est que maintenant, l'humanité le sait avec certitude, elle n'est pas seule dans l'univers. J'ai peur que l'Institut des cultures extraterrestres n'ait plus jamais une chance de faire une découverte aussi fondamentale. C'est terriblement intéressant, Dr. Pillman, mais en fait, je voulais parler de découvertes d'ordre technologique. Des découvertes susceptibles d'être utilisées par la science et la technique terrestre. Car plusieurs savants éminents considèrent que les trouvailles dans les zones de la visite sont capables de modifier tout le cours de notre histoire. Eh bien, je n'appartiens pas aux partisans de ce point de vue. En ce qui concerne les trouvailles concrètes, je ne suis pas spécialiste. Pourtant, voilà déjà 2 ans que vous êtes le consultant de la commission de l'ONU pour les problèmes de la visite. Oui, mais je n'ai aucun rapport avec ceux qui étudie les cultures extraterrestres. Mon rôle dans la Comprovis est de représenter avec mes collègues les milieux scientifiques internationaux lorsqu'il s'agit du contrôle de l'exécution des décisions de l'ONU concernant l'internationalisation des zones de la visite. En un mot, nous veillons à ce que personne d'autre que l'Institut international ne touche aux merveilles extraterrestres. Parce que quelqu'un d'autre convoite ces merveilles ? Oui, vous parlez des stalkers, je ne sais pas ce que c'est. C'est ainsi que chez nous, à Armand, on appelle ces têtes brûlées qui, à leurs risques et périls, pénètrent dans la zone et ils volent tout ce qu'ils peuvent trouver. C'est vraiment un nouveau métier. Une petite dernière pour la route. Et bonsoir. We'll be right back. nous sommes placés devant une fuite permanente de matériel de zone de la visite, qui aboutissent entre les mains de personnes et d'organismes irresponsables. Nous nous occupons des résultats de cette fuite. Vous ne pourriez pas être un peu plus précis, docteur ? Parlons plutôt d'art. Vos auditeurs ne sont-ils pas intéressés par mon opinion sur l'incomparable Gwady Müller ? Oh, certainement. Mais je voudrais d'abord en finir avec la science. Vous, en tant que savant, vous n'avez pas envie de vous occuper de miracles extraterrestres ? Comment dire ? Peut-être. Donc, on peut espérer qu'un beau jour, les Armontois verront leurs célèbres compatriotes dans les rues de sa ville natale. Ce n'est pas exclu. pardon stress. People check you by the way you dress. Vote for who? Vote for me. Vote for us in 1918. Got me so low. Donc, hier, on est avec lui dans le dépôt. Il est déjà tard. Il ne reste qu'à enlever les combinaisons et foncer au Borch. Histoire de s'envoyer un ou deux petits verres de quelque chose de sérieux. Moi, je suis là sans rien faire. Je soutiens le mur. J'ai fini mon boulot. Je tiens déjà une cigarette toute prête. J'ai envie de fumer, c'est dingue. Je n'en ai pas grillé une depuis 2 heures. Et lui est encore en train de ranger ses trucs. Il a chargé un coffre-fort, l'a fermé, a mis des scellés dessus et maintenant il charge l'autre. Il enlève les creuses du transporteur, il les examine une par une de tous les côtés. Et, soit dit en passant, elles sont lourdes, les salopes, 6,5 kg chacune. Et en gémissant, il les installe soigneusement dedans. Baby, I feel bad. C'est fou le temps qu'il passe sur ces creuses, et à mon avis, sans aucun bénéfice pour l'humanité. À sa place, il y a belle lurette que je renvoyais tout ça au diable et que je me serais occupé de quelque chose d'autre pour le même prix. Bien que, par ailleurs, en y réfléchissant, une creuse, c'est un truc vraiment mystérieux et, si on peut dire, incohérent. Le nombre que j'ai transporté sur mon dos, c'est inimaginable. Mais même maintenant, chaque fois que j'en vois une, je ne peux pas m'en étonner. Il n'y a en tout et pour tout que deux disques en cuivre taille sous-coupe, 5 mm d'épaisseur environ et à peu près 400 mm de distance qui les séparent. Mais à part cette distance, il n'y a rien entre. Rien du tout. C'est vide. On peut y fourrer la main, on peut y fourrer même la tête si on est devenu complètement cinglé à les regarder. Rien que le vide, de l'air et c'est tout. Mais malgré ça, entre eux, il y a bien sûr quelque chose, d'après ce que je comprends. Une genre de force, parce que personne n'a encore réussi ni à rapprocher ces disques l'un de l'autre, ni à les écarter. We'll be right back. no one, but I will know, for I am the man of the dogs. Is there actually something? What? Why are you walking the dogs and around the toes? You turn around two ways, break it down now. Who does the guy think he's there at? Stop it, it might still be a lap, and your arm already going soon. And I do, that cup doesn't get into you. Give the victim smell on the hands of the dogs. I'll hunt you and follow you to work that ghost is back again. To reach into you I won't go away. I'm taking yourself too seriously. A smile as if I've been turned to walk away. Or heaven for all to see. I see you too, I see you. And the rolling things you do. You see you, you see you. And you're pretty self-conscious too. Non les gars, je vais vous dire qu'il n'est pas facile de décrire ce truc à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, tellement il paraît simple, surtout quand tu l'auras bien examiné et que tu en auras enfin cru tes yeux. C'est la même chose que de décrire un verre à pied à quelqu'un, Dieu m'en garde. On ne peut que bouger les doigts et grommeler des malédictions à cause de son impuissance. Bon, mettons que vous avez tout compris, et s'il reste quelqu'un qui n'a pas compris, qu'il prenne des rapports de l'Institut. Là, dans chaque numéro, il y a des articles sur les creuses avec des photos. Cool. Let's do business. Yeah, yeah. Let's pretend you're cool. 14 days since you took your love away. Als wär's das letzte Mal. das letzte Mal. Schnell. Schnell. Schnell. So viel wie du kannst. So viel wie du kannst. Schnell. Küss mich, mein Liebling. Töt dich, lasse mich. Liebling, liebe mich. Oh, liebe mich. Liebe mich, mein Liebling. Als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal. Bref, Kirill se tue avec les Creuses et ça fait presque un an déjà. Je suis avec lui depuis le début, mais jusqu'à présent, je ne comprends pas complètement ce qu'il veut obtenir. Entre nous soit dit, je ne cherche pas particulièrement à le comprendre. Qu'il commence d'abord par comprendre lui, par savoir ce que c'est lui-même, alors peut-être bien que je l'écouterai. Pour l'instant, je vois une chose, il lui faut à tout prix bousiller une de ses Creuses, la corroder avec de l'acide, l'écraser sous une presse, la faire fondre au four. Alors là, il comprendra tout. Il sera couvert d'hommages et de gloire, et toute la science mondiale frémira de plaisir. Seulement, m'est avis que ce n'est pas demain la veille. Pour l'instant, il n'est encore arrivé à rien. Le seul résultat, c'est qu'il est éreinté, comme il n'est pas possible. Il est devenu gris, silencieux, et ses yeux sont comme ceux d'un chien malade, même qu'il pleure. Si c'était quelqu'un d'autre, pas lui, je l'aurais poussé à se beurrer comme une tartine, je l'aurais amené chez une superbe gonzesse pour qu'elle le remue, le lendemain matin encore une cuite et encore une gonzesse, mais une autre, et dans une semaine, il aurait été frais comme un gardon, les oreilles dressées, le nez au vent. Seulement, à Kirill, ce médicament ne convient pas. C'est même pas la peine d'essayer, il est d'une autre trempe. Now there's no turning back.

Écoute, dis-je, Kirill. Et lui, justement, est là, devant moi, la dernière creuse dans les bras et avec l'air d'être prêt à se fourrer dedans lui-même. Écoute, dis-je, Kirill, qu'est-ce que tu dirais d'une creuse pleine, hein ? Une creuse pleine ? Redemande-t-il et il fronce ses sourcils comme si je lui parlais en charabia. Mais oui, dis-je, ton piège hydromagnétique, comment que tu l'appelles, objet 77B, mais plein, avec je ne sais quelle idiotie dedans, couleur bleue. Là, je vois qu'il commence à piger. Il lève sur moi ses yeux, les plisse et derrière sa larme de chien apparaît une lueur de raison, comme il adore dire. Attends, dit-il, plein ? Le même truc, mais plein ? C'est ça. Où ? Ça y est, il est guéri, mon Kirill, les oreilles dressées, le nez au vent. Viens, dis-je, on va en griller une. up our teeth. White sugar, he speaks French. Memorizing yourself, he's open. Il faut rapidement la creuse dans le coffre-fort, claque la porte, la ferme à 3 tours et demi, et nous retournons au laboratoire. Pour une creuse vide, Ernest donne 400 billets comptant. Pour une pleine, j'aurais pu lui pomper tout son sang pourri à ce fils de pute, mais croyez-moi si vous voulez, sur le coup je n'y pensais même pas, parce que Kirill ressuscita carrément sous mes yeux, il devint comme une corde de violon bien tendue, tout juste s'il ne tintait pas. Il grimpa l'escalier 4 à 4 et n'offrit même pas du feu quand quelqu'un lui demanda. Bref, je lui racontai tout. Et comment elle était, et où elle se trouvait, et comment il fallait s'en approcher de la meilleure façon. Il sortit aussitôt la carte, trouva le garage en question, y pointa le doigt, me regarda, et à coup sûr comprit de quoi il retournait à mon sujet. Entre nous, qu'y avait-il de si difficile à comprendre ? I run the risk of losing you, and that's worse. focus. I just start to see like a wizard in. I thought she would really help me. She said she's feeling pretty queasy. Said she hasn't been very lucky. Her life's all fucked up. Said she's got to get away. Go, Susan, get away. Go, get away. Have you seen Mitchell? Got a call from him in jail. If I could post a bail, just let it hang out. He said he's feeling really sick, really.